Le vestibule. Cette longue introduction à l'émission Le Vestibule de ce samedi 25 juillet 2009 était l'œuvre du français Arnaud Robotini, qui s'exécute tout simplement sous son nom de famille, soit Robotini, et la pièce s'intitulait MNLL, tirée de son plus récent album Music Components, qui occupe la troisième position au palmarès de musique électronique cette semaine. Arnaud Robotini, que vous connaissez peut-être pour la moitié du duo Black Strobe. Jean-François Fecteau, qui vous accueille pour une 628e fois en cette soirée saturnienne, et jusqu'à 23h, j'agirai en tant que portier de service en vous présentant des musiques surtout à caractère électronique. Et ce qui amorcera la prochaine séquence, c'est la formation néerlandaise Clan of Xymox, qui existe depuis belle lurette, en fait, depuis le début des années 80, pour être plus exact, tout en étant un peu flou quand même. Et ce que l'on va entendre de Clan of Xymox, c'est tiré de leur plus récent mini-album, ou single, si vous préférez. Le single a pour titre Emily, et il occupe la 7e position au palmarès de musique électronique, et ce que l'on va entendre, c'est la pièce Chemistry. Voici donc Clan of Xymox dans le vestibule. We'll be right back. En fin de séquence, il s'agissait de la formation américaine The Postmarks avec la pièce For Better or Worse, et c'est tiré de leur plus récent album Memoirs at the End of the World, et c'est paru sur étiquette Unfiltered. Tout juste avant The Postmarks, eh bien c'était le duo américano-britannique The Kills avec Cheap or Cheerful de leur quatrième album Midnight Boom. Et sachez que la chanteuse Alison Mosshart fait aussi partie de la formation The Dead Weather qu'elle a fondée avec nul autre que Jack White, bien sûr, de la formation The White Stripes. Et on débutait avec Clan of Xymox, formation hollandaise ou néerlandaise, si vous préférez. La pièce, elle, prenait le titre de Chemistry et s'est parue sur le single Emily, qui occupe la 7e position au palmarès de musique électronique. Et j'ai omis de vous mentionner que l'album Memoirs at the End of the World de la formation de Postmarks, eh bien, occupe la première position au palmarès de musique électronique, bien que leur musique n'est pas électronique au sens, très puriste de la chose, mais quand même, il y a des arrangements de synthétiseurs, des arrangements quand même qui rappellent la musique électronique, mais leur musique est un mélange, bien sûr, de sonorités acoustiques très pop, avec beaucoup d'arrangements de cuivre et de cordes, comme on a pu l'entendre sur la chanson For Better or Worse. Vraiment un petit groupe que j'affectionne particulièrement. D'album en album, eh bien, je les apprécie davantage. On y va avec une courte pause publicitaire, si vous le voulez bien, et même si vous ne le voulez pas. Et après la pause, ce sera le français Pierre-Alexandre Busson de se faire entendre avec son projet Yuxek. Après la pause, que voici dans le vestibule. C'est fou, 89,1 FM, la radio autrement. Watching you, take it. Juste d'entendre dans le vestibule le trio multi-ethnique Jacuzzi qui est basé à Berlin et qui nous offrait ici Watching You, remixé par le duo britannique The Loose Cannons, et ça se retrouve sur le mini-album Watching You de Jacuzzi qui prend la 9e position au palmarès de musique électronique. Précédemment à Jacuzzi, c'était le duo américain MGMT avec Destruct, que l'on peut retrouver sur le mini-album Time to Pretend, qui est paru en 2005 déjà. Et on amorçait le tout avec le projet français Yuxek, le projet de Pierre-Alexandre Busson, et il nous offrait Tonight, remixé par Remix Artist Collective, et c'est paru tout simplement sur le mini-album Tonight de Yuxek, qui s'orthographie Y-U-K-S-E. Voilà. Jean-François Fecteau, toujours et encore à l'intérieur du vestibule, et ce jusqu'à 23h, pour me joindre, pour peu importe la raison, que ce soit pour des demandes spéciales, des commentaires, suggestions, demandes d'informations, vous pouvez m'écrire par l'entremise de mon adresse électronique, levestibule@commercialcegocable.ca, le vestibule en un mot, @commercialcegocable.ca, et vous pouvez aussi visiter le profil du vestibule sur MySpace au myspace.com/levestibule, et sur ce dit profil, vous pourrez consulter la liste des pièces que je joue à chaque semaine. Vous pourrez également en savoir davantage sur les différents artistes que je vous présente hebdomadairement. Vous aurez droit à du contenu vidéo dans la section télévision et vous pourrez entendre ou réentendre les anciennes émissions en balado-diffusion. Ceci étant dit, nous allons maintenant entendre le projet suédois Fever Ray, qui est le projet de mademoiselle Karin Dreyer Andersson, bien sûr, la moitié de la formation de Knife. Elle a son projet solo, Fever Ray, et de son projet, nous allons entendre When I Grow Up, remixé par son compatriote Dan Lisvik. Voici donc Fever Ray dans le vestibule. Yeah!

Précédemment, à cette pause publicitaire, on pouvait entendre dans le vestibule le duo américain Trespassers William avec la chanson Safe Sound de leur album Having, qui est paru en 2006 et qui a été réalisé par nul autre que Dave Friedman, qui fait partie bien sûr de Mercury Rev. Tout juste avant Trespassers William, c'était le projet Sonogram avec Gala, pièce que l'on retrouve sur l'album Pixels, qui occupe la 10e position au palmarès de musique électronique. Et en amorce de séquence, c'était bien entendu Fever Ray, le projet de la chanteuse de la formation The Knife, Mademoiselle Dreyer Anderson, Karine de son prénom. Et ce que l'on entendait, c'était la pièce When I Grow Up, remixée par Dan Lisvik, qui est lui aussi suédois. Jean-François Fecteau qui vous accompagne à travers les méandres vestibulaires. Et comme je le mentionnais un peu plus tôt à l'émission, si vous désirez communiquer avec moi, vous pouvez le faire de plusieurs façons, soit par voie téléphonique en composant dans le 819-376-5183, le 376-5183, et vous pouvez m'écrire par l'entremise de mon adresse électronique, le vestibule à commercial segocable.ca. Il y a bien sûr le profil du vestibule sur MySpace au myspace.com/le vestibule, et vous pouvez trouver le vestibule sur Facebook en faisant une petite recherche toute simple, et vous pourrez même joindre le groupe Le Vestibule pour être informé de tous les derniers développements concernant l'émission. Ce qui suit à l'instant, c'est le duo américain de Naked Hearts qui nous présente la pièce Only For You, remixée par un autre duo américain du nom de Home Video. Voici donc The Naked Hearts dans le vestibule. Le vestibule se poursuivait avec l'excellente chanson « I Can Make You Feel It » de la formation américaine Home Video, et ça se retrouve sur le mini-album « It Will Be Okay ». Tout juste avant Home Video, c'était la formation canadienne originaire de Edmonton, la formation de Fonz avec « Explain » remixé par Home Video. Et on débutait avec un duo américain du nom de Naked Hearts avec Only For You, remixé également par Home Video. Vous écoutez toujours et encore le Vestibule en compagnie de Jean-François Fecteau. Et si jamais vous avez des commentaires à formuler, des suggestions ou peu importe la raison, si vous désirez me joindre, point à la ligne, vous pouvez communiquer avec moi en m'écrivant à mon adresse électronique levestibule@commercialcgocable.ca. levestibule@commercialcgocable.ca. Nous allons entendre une courte pause publicitaire et tout de suite après, ce sera le duo français de Penelope's qui nous présentera un extrait de son dernier mini-album Stuck in La La Land. Donc, tout de suite après la pause, que voici dans le vestibule. Thank you. On vient tout juste d'entendre la formation allemande Hojob, qui qui nous présentait la pièce Homes and Gardens Optimized Version 1.2. Et cette version, on la retrouve sur le mini-album Homes and Gardens qui accompagne la réédition de l'album Homes and Gardens qui était en fait l'album, le premier album de Hojab paru en 93. À l'époque, Hojab était un trio, maintenant c'est un duo. Et donc pour célébrer l'apparition de ce premier album en 93, ils ont réédité l'album, bien sûr en le remasterisant, et ils ont mis en bonus le mini-album Homes and Gardens duquel était tirée la pièce que l'on entendait. Et le mini-album Homes and Gardens de Hojab occupe la deuxième position au palmarès de musique électronique cette semaine. Tout juste avant, c'était le projet allemand Wemscout avec la pièce Bunker Tour 7, remixée par Wemscout lui-même. Ça se retrouve, cette pièce, sur la réédition de l'album Bunker Tour 7, qui donc une réédition qui comprend deux CD. Le premier, bien sûr, les pièces ont été remasterisées, et le deuxième CD, les pièces ont été remixées, la plupart par Wemscout, mais aussi par Hojab et Still Stay Stoned. Alors, très intéressant comme réédition. Et cet album, Bunker Tour 7 Resample Edition, occupe la sixième position au palmarès de musique électronique. Et pour débuter le bloc musical, c'était le duo français de Penelope's avec Stuck in La La Land, sur laquelle on peut entendre Morpheus. Et cette pièce a été remixée par les Japonais 80 Kids. Et cette version, on la retrouve sur le mini-album Stuck in La La Land, qui fait son entrée, ou plutôt qui occupe cette semaine la huitième position au palmarès de musique électronique. C'est presque tout en ce qui a trait à l'émission Le Vestibule de ce 25 juillet 2009. J'espère simplement que vous avez apprécié cette 628e édition. On va se quitter avec un dernier segment qui sera composé dans l'ordre du projet allemand HEC, qui s'orthographie H-E-C-Q. Il nous présentera la pièce Steel-Tongued, remixée par le français Raoul Signé. Et Raoul Signé devrait nous présenter un tout nouvel album d'ici le début de l'automne. Et cette version qu'en a fait Raoul Signé de la pièce Steel-Tongued, on la retrouve simplement sur le double album Steel-Tongued de HEC, qui occupe la quatrième position au palmarès de musique électronique. Donc, HEC sera suivi de Fink, qui est le projet du Britannique Finn Greenhall. Il nous présentera la pièce Don't Look Down du mini-album Sort of Revolution. Et pour terminer, ce sera le projet français Miss Cherry avec Echoes from the Past, de l'album qui porte le titre de Vestige et qui prend la cinquième position cette semaine au palmarès de musique électronique. Donc, dans l'ordre, ce sera HEC, suivi de Fink, et pour terminer, Miss Cherry. Jean-François Fecteau qui vous remercie d'avoir été présent à l'intérieur du vestibule. Si vous désirez communiquer avec moi, je vous rappelle que vous pouvez m'écrire par l'entremise de mon adresse électronique, le vestibule @commercialcegocable.ca. Il y a bien entendu le myspace.com/ le vestibule pour en savoir davantage sur les artistes que je vous ai présentés et pour entendre ou réentendre les anciennes émissions en balado-diffusion. Alors, on se dit à la semaine prochaine, samedi soir prochain à compter de 21h pour une autre intrusion à l'intérieur du vestibule. D'ici là, eh bien, portez-vous comme vous le pouvez et laissez-moi vous souhaiter comme à l'habitude, peu importe. just remember it go round and round and back to the old school. Feels just like we never ended it. Last night's cocktails, knock it back and spare me the details. Little feet, cute little toenails, crunching down on all them actions. Don't look down, no. Things are looking up. Don't look down, no. Cause things are looking up. Are looking up, and it's so early. Or it's so late. Many hours on the clock. Looking up.